De retour là. Là j'ai le retour. Ouais. Un peu fort. Là je vois là. J'ai un super retour. Ouais. Merci. 18h. Alors bonsoir à tous, salut Ben, Binary Digit, salut Nico, enchanté de te connaître, enchanté de t'avoir ici ce soir, merci, plaisir partagé, merci pour l'invitation. Donc bonne année, hein. Bonne année à tous. Mais non, mais j'ai déjà dit l'année dernière, la semaine dernière, l'année dernière aussi d'ailleurs. On va faire une émission spéciale Brain Dance. Essayer un peu de discuter de ça. C'était un sujet que tu as proposé. Voilà, un bon sujet, je pense. Donc, ça consiste à. Bon, là, on n'écoute pas du tout de la Brain Dance, hein, bien sûr. C'est un morceau d'introduction. Voilà. Donc, Brain Dance, c'est une sorte de courant. Alors, on ne sait pas trop. On va s'attacher à le définir pendant cette émission. Une sorte de courant musical, c'est, mais c'est un courant, c'est une définition qu'on a donné à un moment, comme d'autres genres. On a essayé de genrer ce type de musique. Alors ça, c'est ton point de vue. Moi, j'ai un point de vue un peu différent, mais on va en reparler. Très bien. Breakdance, non, c'est pas breakdance, c'est brain dance. Hein. Je réagis par rapport au forum. Mais c'est peut-être une blague, alors je ne sais pas. Donc on peut commencer par mettre un premier morceau, je sais pas, emblématique. Alors, donc de toute façon, la brain dance, on peut là un point sur lequel on est d'accord, c'est que c'est lié à Aphex Twin quand même. C'est lié à voilà à Reflex Record quoi. À Reflex, je dirais. Reflex, ouais. Dont Aphex Twin était fondateur avec Grant Wilson Claridge. Ouais. Et donc en fait, j'ai un peu l'impression que ce terme arrive à un moment est défini par ces fondateurs de Reflex. Peut-être un petit peu en retour, un peu un pied de nez au terme IDM. Voilà. Oui. Voilà. Ça, c'est clair. Ça, c'est sûr. Tu ça, vois, c'est le, sûr. Le terme IDM qui apparaît sur des à messages peu près boards. En même temps. Bah, ouais. Non, pas, peut-être plutôt le terme IDM, je crois qu'il apparaît la première fois sur des messages boards. Un truc qui s'appelait IDM List au début des années 90. D'accord. Donc, 92, peut-être 93. Et ce genre, il a été. Enfin, c'est apparu et puis ça a été défini. Et puis j'ai un peu l'impression que les artistes qui étaient concernés par cette appellation. Sont souvent, on n'était pas toujours d'accord en fait avec ce terme-là qui est assez quand même qui est un peu limite quoi de l'intelligent dance music, c'est quand même pas forcément facile à porter, tu vois. Ouais, parce que c'est parce que quoi, parce que c'est arrogant un peu, enfin pas arrogant mais ouais. Légèrement ouais, c'est un peu, tu vois. Ouais, bien sûr, ouais. Donc c'est une réaction, ce serait une réaction à ça, et c'est une il tourne en dérision, je pense c'est une manière de, c'est tourner, une manière en de tourner ça en dérision, bien ouais. sûr ouais, ouais. Ouais, ouais. Mais parce que l'IDM, au départ, enfin, ouais, bon, de toute façon, c'est une invention de journal, on sait pas trop, de journaliste. De journaliste, de forum, de fan. Commentateur de fan, voilà, ouais, c'est ouais, ça. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais ça désignait les Anglais, donc tout ce qui était breakcore et tout ça, non, quand même. Ouais, ouais, ouais. Ou aussi down tempo, electronica, tu vois, tous ces trucs aussi. Oui, d'accord. Ouais. La musique électronique qui était, sur laquelle on pouvait pas danser, ouais, par exemple, ça. Dessus. Musique de geek en fait. De geek. Voilà. De geek, ouais. Ouais, absolument. Ok. Très bien, bon, c'est un bon début. On va. On met un morceau d'AFX alors ou... On peut mettre un AFX, ou... on peut mettre sinon si t'as des morceaux de cette compilation là que j'ai sous les ah, deux. Bah, de... Ouais, bien sûr. Voilà, bah, on peut mettre un morceau de Psylob, voilà, Rewind. Et bah allez, en avant. Qui est super. Si ça marche là. Voilà. The crowd is jumping as the beat seems to pan end. Rewind the track and start over again. As our indie player, there are lots of happy faces. The beats take your body and mind to different places. Don't let the groove stop, got to make the joint rock. This set is designed to put your body in shock. It's so funky, you have to move your behind. Now give a shout to the DJ. Rewind. The people shuffle more of that crazy rhythm. They know what they want and you know what to give them. This is what you do, put your finger to the blacks. Flick of the wrist and spin a needle back. This rack is so fresh, it's almost finger-licking. The bass line is rough and the beats are hitting. A better record it would be hard to find. So give that out to the DJ, rewind. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Now that we've got to the night, hey, hey, hey, hey, hey, get back. Rocking a party is no easy matter. The hands of the DJ must select the right flutter. If he doesn't, then it's fatal and it makes me weep. To see people on the dance floor falling asleep. So get up off your ass and move your feet this rack. No excuses, don't refuse this, there's no room for the slack. Go with the flow, cause it's a state of mind. When you shout to the DJ, rewind. I like it best when the beats are naked. The rhythm pumps and there's no way you can fake it. Ah yeah, that's just the way I like things. The show must be over before the fat lady sings. So listen up, everybody get on the floor and give it up till you haven't got them anymore. One more thing, could you be so kind as a shout to the DJ, rewind. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Rewind the track, spin the record and take it back. Peace. C'était Bogdan Raczynski. C'est quoi le titre du morceau? C'est dans Samurai Mad Beat. Il s'appelle. Samurai Mad Beat. L'album, ça? Ouais. Aojiko. Aojiko. Aojiko, très bien. Donc, ça, ouais. Donc, Sylob, on voit que finalement, entre ces deux morceaux, il y a des similitudes, mais aussi des différences. Ouais, des grandes différences. Des grandes différences. Non, mais on passera à d'autres morceaux de cette compile, donc Braindance, qui finalement... parce que avant cette compile, il y a Braindance, c'était pas, ça n'existait pas, tu vois ce que je veux dire. J'ai l'impression que c'est la compile qui a voulu définir ce truc. Qui a, ouais. Ouais. Ouais. Donc, c'est... The Braindance Coincidence. Voilà. Et du coup, il y a des trucs qui ressemblent, par exemple, Layla. On écoutera un morceau de Layla, c'est pas du tout... c'est très loin de l'IDM, enfin, et donc du braindance, ouais, en fait. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est plus donc ça confirme le fait que c'est vraiment une sorte de blague, ouais, et que ça regroupe juste des artistes, des musiciens qui sont sortis sur Reflex, voilà, jusqu'à la, ça c'est la compile, c'est la centième référence, je crois. Ok. Enfin, c'est 100 CD, ouais, c'est pas la centième référence, je suis pas sûr. Non, non. Mais bon, c'est des artistes qui sont sortis avant, quoi. Voilà. Ouais, mais c'est ce qui est assez drôle, c'est que je crois qu'il y a... C'est peut-être écrit même sur la compile, il y a une espèce de définition du braindance ou de la braindance, je sais pas. En fait, il y a juste qui dit, sur le dos, il y a... Reflex... Braindance is incredible, blablabla, avec que des... Enfin, pour dire que c'est super, quoi. Ouais. Il n'y a pas vraiment de définition. Je crois que j'étais tombé un peu sur un truc de... C'est Grant, je pense que c'est Grant Wilson Claridge qui dit ça, et puis qui dit que c'est un mélange, en fait, de tous les meilleurs éléments, de tout. Tous les genres, donc du rap, machin, ouais. Tout ça. Et puis quand tu t'imagines un morceau comme ça, en fait, qui mélange les éléments de tous ces trucs-là, tu te dis, mais c'est un truc complètement dégueulasse. Ouais. Et en fait, bah, voilà, c'est peut-être juste une... C'est un peu une blague, et puis qui fusionnait un peu des trucs de cette époque-là, qui était peut-être un tout petit peu hors cadre quand même, tu vois, de ce qui était dans le gros dans les grosses mouvances électroniques de l'époque, peut-être, tu vois, que ce soit peut-être, de la scène techno, la scène house, ouais, ou de, ouais. Tu vois, c'était une musique un peu en dehors du club, un peu dansante, mais peut-être en dehors de ce qui se faisait un peu dans le club, mais qui est quand même plus ou moins dansante, tu vois. Oui, c'est là où, ouais, enfin, ce que voulait définir IDM, en fait, finalement. Parce que finalement, l'IDM, c'était ça aussi, mais non, je sais pas. Ouais, ouais, peut-être que, bon. Ouais, je sais pas, bon. Ouais, alors, si, il y a juste sur la compile, Reflex are the official sponsors of Braindance. Ah, donc il y a quand même... With over 100 releases to date by more than 40 artists, voilà. Bon. Bravo à eux. Bravo à eux, ouais. Ben, on va mettre un DMX Crew pour montrer la diversité du truc. Hop là. Come to me. Come to me, ouais. Super morceau de DMX Crew et... T'entends? Ouais, ouais. Pardon. J'entends. Ah ok. Là on a essayé de mettre un morceau Global Goon qui est aussi sur la compile Breakdance Coincidence. Et c'est un peu le morceau le plus trip-hop, on va dire. C'est assez tripopé. C'est assez tripopé. Peut-être qu'on peut mettre le morceau de la compile. Comparer, ça c'est un truc plutôt récent du coup. Hein, de... c'est, il me semble que c'est assez récent. Oui, j'avoue. Alors où est-ce qu'il est voilà, il est là. Mais bon, on va voir que c'est. Ah ouais, non, finalement c'est un peu trip-hop aussi. Un peu trip-hopé aussi. Ouais, ouais. Ben voilà, encore un morceau qui représente cette grande diversité. Ouais, ouais. En gros, c'est de la musique anglaise d'une certaine époque. Non. On écoute ça ? On écoute ça. Voilà. We'll be right back. Pinou. Leila donc, qui est sur le... Voilà, donc là on est plus dans le truc dont on parlait un peu. La musique pop, non. Ouais, non. Enfin, disons, là c'est un peu entre deux genres, entre la pop et l'électronique. Ouais, c'est geek, pop compliqué. C'est quoi. Pop geek technique. Voilà. Peut-être. Et c'est très beau en tout cas. C'est très beau, ouais, c'est très beau. Ça fait penser à d'autres choses. Bon, bref. Comme Mum. Moi, ça me fait penser à Mum. Tu vois, bon, c'était des Islandais. Cette sorte d'électronica, de pop électronique très émotionnelle. Là, très, voilà. Bon, bref. Enfin, simple. Simple, finalement. Simple et belle. Ouais, simple et belle. Bon. Absolument. Voilà, donc on a un peu exploré. On va continuer. Quelle heure il est ? 18h40. On arrive à déjà peu près à la moitié de l'émission. Donc on peut peut-être, changer de braquet. Voilà. On peut changer de braquet, mettre des choses peut-être un peu plus dures, un peu plus, peut-être plus récentes aussi. Plus récentes, ouais. C'est vrai que, tu vois, moi j'ai un peu l'impression que, moi je pense que je me suis intéressé un peu à cette musique sur le déclin de Reflex. J'ai connu la fin de Reflex, malgré mon mi-jeune âge. Ouais. Et j'ai en quelle année alors, je suis né en 91 moi tu vois. Ouais. Donc la fin de Reflex c'est la 2003, c'est fin 2004. Non, c'est fin 2010. Ah, je oui. crois ouais, ouais c'est fin des D'accord. fin des années 10. On peut dire ça maintenant. Fin des années 10. Ouais, je crois bien ouais, ça a dû finir en je sais pas moi 2009, 2010 peut-être tu vois. Donc c'est fin 2010. Des années 2000. Fin des années non, début des années 2000. Bah, si tu dis 2009. C'est fin des années 2000. C'est fin du 2000, oui, c'est fin du 2000, ouais, t'as raison. Ouais, mais est-ce que la fin des... Bon, ok, c'est un autre débat. mais du coup, tu vois, j'ai l'impression qu'il y a un peu un trou entre tout ça et puis une espèce de courir après une esthétique, un truc mélancolique un peu de cette époque, de Reflex. Ouais. Et un peu voilà, une course après cette esthétique-là. Et des producteurs qui étaient déjà là, ou des nouveaux producteurs, et qui sont un peu, tu vois, focalisés sur cette esthétique et sur ces traces qui ont été laissées par Reflex, par Aphex Twin et par d'autres artistes qui ont fait partie de cette mouvance à ce moment-là. Ouais, bien sûr. Et ça a créé beaucoup de labels, d'artistes, de choses. Moi, il y a par exemple, on pourrait écouter, il y a un artiste que j'aime beaucoup en ce moment qui s'appelle Caramel Caméléon, mm-hmm. qui est italien. Ouais. Qui a sorti un truc très récemment là sur 0303 Records. Oui, d'accord, ouais, là, je vois bien. Par exemple, et puis sur plein d'autres imprints aussi. Ouais. C'est un artiste que j'aime beaucoup, et puis je trouve qu'il il illustre bien ce dont tu viens de parler. Parmi plein d'autres, mais je trouve qu'il illustre bien ce truc un peu. Moi, je parle un peu d'une mélancolie des ruines de Reflex. Et qui s'exprime dans le morceau et qu'on appelle Braindance, tu vois. Ouais. Je pense que c'est il y a des, tu vois, c'est un tag sur Bandcamp, tu vois. Et c'est des mecs que tu trouves tagués en Braindance. On se demandait si le genre existait dans Discogs, mais apparemment non. C'est IDM. Est-ce que le genre ce serait pas redéfini, tu vois, un petit peu plus. Ce serait pas avec ce raffiné, qui a suivi. Ouais, avec ce qui a suivi. Je sais pas, on va peut-être écouter ce morceau là pour avoir une meilleure idée. Ok. Donc voilà. Donc Caramel Caméléon. Adolescent. Le morceau s'appelle DMLR30 sur l'album Adolescent. Merci. Thank you. passer après Caramel Caméléon, donc qui est en gros ce qu'on a dit, c'est que c'est un peu c'est l'extraction. En gros, c'est Aphex Twin, l'extraction d'Aphex Twin. C'est juste une théorie. Hein. C'est une théorie, mais pour moi, c'est un fantasme du brain dance. Voilà. Ouais, c'est ça. Ok. C'est un brain dance fantasmatique. Ouais. Et donc, à la différence du morceau qui a suivi, donc Dark Angelo, qui était quand même Asset 5, oui, qui était beaucoup moins, mélodique. Plus difficile. Plus difficile. Et donc, qu'on aurait tendance à placer plutôt dans, même si on n'a pas le droit de le dire, l'infamous catégorie. L'infamous catégorie. IDM. IDM qui, en gros, on se prend au sérieux, quoi. Alors ouais, que brain dance, on ne se prend pas au sérieux. On se prendrait moins au sérieux. On se prendrait moins au sérieux. Et pour finir, là, ce qu'on est en train d'écouter, c'est Dark Angelo, donc le morceau qui est sur la compile The Brain Dance Coincidence. S'appelle Diagram 7 80s Mix. Donc on voit l'écart entre le morceau qu'on écoutait avant et celui-ci. Bon voilà, bon, en même temps, pourquoi pas. Ouais. Voilà, tout le monde fait. On peut le mesurer comme on peut le mesurer. On peut le. Comme on peut l'oublier. Comme on peut l'oublier. Ouais, voilà. Comme on peut le démesurer. Voilà, bon bah c'est tout. Qu'est-ce qu'on avait dit d'autre? Pardon? Dernier morceau. C'est le dernier morceau. Non, j'ai dit que ce morceau-là, c'était un morceau qui datait de la compile. Non. Non, pas c'est pas tout. La fin. Que le morceau d'avant, Voilà. The least, not the last. Oui, et donc, une autre théorie, c'est que y a un truc dégueu avec l'IDM qui serait encore une... Encore un gros mot, appropriation de la musique américaine de Détroit, donc là, quand c'était informe, on va dire, c'est-à-dire ouais, ni techno ni house, la musique électronique. Musique électronique. En faire quelque chose de totalement extrait de ça et de presque élitiste un peu, ou une, en tout cas d'un une, truc. Une rock'n'rollisation de la musique électronique. Alors, rock'n'rollisation dans le sens où, ce sont des blancs qui s'approprient leur truc. Ouais. Qui s'approprient un truc et qui en font quelque chose important. D'autre, d'important. Ouais. Comme peut-être la techno. Comme la techno. Et donc, le brain dance s'inscrit en faux à ça, puisque, enfin, un des signes, c'est que dans les sorties réflexes, il y a Drexia. Bon, il n'y en a qu'une en même temps, mais bon. Il n'y en a qu'une, il y en a peut-être plusieurs, mais bon bref, peu importe, ça c'est des... Bon, on n'est pas obligé d'avoir ce genre de débat, j'imagine, mais bon. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre peut-être un truc plus dur là, un peu de breakcore, quoi, parce que ça faisait quand même partie de ça. Fais-nous mal, Nicolas. Je mets un morceau au hasard d'une compile de Planète Mu. En fait, c'est un. Alors, je vais mettre Venetian Snares. Je crois que c'est le morceau du début. Whiskey Drunk. Allez. Yes. Mais c'est peut-être pas vraiment non plus. Thank you. Excellent, ça marche. Ouais, ça marche. Excellent morceau de Dua Lipa. Dua Lipa qui a sorti, je pense, deux albums sous Wisp, sur Reflex. Yes. Voilà. Ouais. Très braindancy. Très braindancy, ouais. Alors peut-être après la compile. Après la compile, ouais. Après la référence. Elle est vieille, CD. Ta compile, mec. Elle est vieille, ouais. Mais c'est vraiment la centième référence. Hein, mais il y a beaucoup de références, tu vois. Moi qui pensais être un affectionnado, je pense que. Il y a beaucoup de références. J'ai tout raté, en fait. La 104, c'est Ovuka Unkelman. On pourra passer un petit peu après. Mais surtout, là, on va passer à un petit morceau de. Donc, merci pour les à K et AI pour oui. La participation au chat. Merci le chat, c'est vrai que le chat a été très actif. Et voilà donc, le chat. Ouais, merci. Et donc pour ceux qui ont trouvé l'avatar, c'est comme ça qu'on dit l'avatar. Enfin l'autre nom le de Square Pusher, Chaos ID, ouais. Et ben une compilation de gagner. Voilà. Bravo. Bravo. Pour vous avez très bien utilisé Google. Ouais. Oh. Et donc, on met Mike and Rich, le morceau Winner Takes All. Voilà, donc c'est bien Mike Paradinas. Le gagnant prend tout. Et ouais. Et Rich. Yes. Donc là, on a écouté User 364880151. Le morceau, c'était Lord Paul. C'est un album qui sort sur Touched Electronics, ouais. Qui est un co-label de Further Electronics et de Touched. Il y a plein de trucs derrière. C'est un truc caritatif dont j'ai oublié le nom. Donc je vais pas me. D'accord. Je vais pas m'humilier. Très beau morceau, voilà qui a suivi donc Mike and Rich, The Winner Takes All. Le chat l'a réclamé. Donc le chat l'a réclamé, donc, on l'a donné. Non, c'est pas FX. C'est FX ? Non, c'est pas FX. Ah non, avec Rich, c'est. Non, user. Justement, je pense que tu vois, ça vient de cette esthétique de FX qui arrive sur voilà. SoundCloud et prend un compte user dont j'ai oublié la suite numérologique. Ouais. Et donc voilà, ça plaît user quelque chose et ben en fait ça je pense que ça vient un peu de cette esthétique c'est il lui pique son idée quoi post affex non c'est peut-être même un hommage un petit peu sorte c'est toujours ambigu toi tu hein, vois ça comme on plagiat mais... hommage moi je suis pas c'est vrai hein, c'est vrai que t'es dur avec ça ouais moi je suis puritain ouais on va mettre un morceau de bass voilà de bass ouais alors c'est peut-être un peu loin du sujet mais voilà. Drop of the bass. Ouais, drop the bass. The music doesn't follow you, you follow the music. Voilà. And that's what really makes a b-boy. B-boy. Are you ready? écarté alors. Sur pardon. On s'est écarté. Non, bah, pas vraiment. Ça va. C'est Breaking Records, DMX Crew. C'est des cousins quoi. Affilié. Affilié. Ouais, ça va. Mais c'est aussi ça le breakdance. Tout est permis. Mais rien n'est permis. Enfin, tout est permis, mais dans une certaine mesure. Tu vois. Ok. Mais je pense qu'on s'accorde là-dessus finalement. Ouais. Ça poque toujours. Apparemment. Alors, je sais pas comment on fait pour enlever le. Bon, bref. J'ai ça su, poque, mais... hein. Il y a eu. Hein. Ouais, faut que j'enlève le son de mon navigateur, on me dit, mais bon, bref. Yes. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre après? Ouais. Donc, on s'est quand même un peu mis d'accord, quoi, sur le fait que. Peut-être que j'ai plus glissé vers ton côté, où on peut dire que le brain dance, en fait. Bah c'est pas un genre défini du coup. Alors je pense que c'est pas un genre c'est pas un genre esthétique défini. Mais ce serait plutôt un esprit en fait. C'est un esprit. Voilà. Ça me plaît. Voilà, moi ça me c'est plaît. Ça. C'est ça. Ça me plaît. Yes. C'est un esprit et donc c'est un esprit, c'est tout. Et donc on a l'esprit brain dance ou on l'a pas. Voilà. OK. Comme a dit Geoffrey de la Gagnerie, la gauche c'est comme l'amour. C'est quoi, soit on l'a, soit on l'a pas. Soit on l'a, soit on l'a pas. Voilà. Je sais pas si c'est très comparable, mais merci Lily en tout cas pour cette référence. Pour cette superbe citation de Geoffroy de la Guinée. Et merci au chat, ouais. qui a été excellent au chat, merci beaucoup. Un des meilleurs chats. Ouais, super. Merci à. Bah, je vais les citer. CY, AYK, tiré du 6. Merci pour les abonnements. Ah non, il y en a pas. Ouais. Et je vais essayer de régler ce problème de POC. Voilà, ça devrait pas être très compliqué, mais. Très bien, et eh bien on va écouter Retape pour finir. Ah, on écoute Retape, Top Moves, Idiot Rave, c'est très bien. Un peu de musique idiote pour finir. Merci à tous.